Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je passe la parole au créateur et gardien du paradis. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. C'est votre toute première journée dans la vie après la mort. Vous êtes tous, indéniablement, des gens bien. Mais comment pouvons-nous le savoir avec certitude? Pendant votre passage sur Terre, toutes les personnes comme vous ont reçu des points positifs ou des points négatifs. Dans les bouchons, par exemple, quand des gens prennent la bande d'arrêt d'urgence et qu'ils se mettent à pester, « Ah, on s'en fiche, personne ne nous voit. » Nous, nous voyons tout. Bref, quand votre temps sur Terre est terminé, nous faisons un calcul de la valeur totale de votre vie en utilisant un système de mesure très précis. Seules les personnes avec un score très élevé, pour ainsi dire la crème de la crème, peuvent venir ici au bon endroit. Bonjour Guillaume Coqui. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes philosophe, maître de conférence à l'Université de Bourgogne et vous allez publier un ouvrage aux éditions Ellipse sur Pascal. Il est sur le point d'être publié dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, on a hâte de le lire. Si le monde était aussi simple que celui qui est décrit dans la série The Good Place de Michael Schur, eh bien alors, tout serait très simple, il suffirait d'agir de manière vertueuse pour aller au paradis. Or, il suffit de lire Pascal et d'être un tout petit peu au courant de ces débats sur la grâce pour comprendre qu'il en va tout autrement et que les choses sont bien plus compliquées. Alors oui, les choses sont bien plus compliquées. Ce que l'extrait de série que vous venez de passer retient essentiellement, c'est la figure d'un Dieu omniscient. Il voit absolument tout ce que vous faites et il en tient compte. Le Dieu de Pascal n'est pas seulement un Dieu omniscient, c'est également un Dieu omnipotent. C'est-à-dire que il faut compter avec le fait que non seulement aucune de nos actions ne lui échappe, ça c'est normal, mais surtout aucune de nos actions n'échappe à sa puissance au sens où il concourt également à les produire. Et par conséquent, si vous voulez, là nous avons dans l'extrait de série qu'on vient d'entendre une représentation somme toute qu'on pourrait dire anthropomorphique de la justice divine. Vous agissez mal, vous irez en enfer ou au purgatoire. Vous agissez bien, vos bons points sont comptabilisés et puis vous vous retrouvez au paradis. Je précise quand même pour ceux qui connaissent la série qu'en fait il n'y a pas qu'un seul Dieu mais plusieurs créateurs et là c'est celui du paradis. Plus. Voilà. En plus. C'est ça. Ah, mais moi, j'ignorais ça, vous voyez. Ce qui n'enlève rien à ce que vous dites. Oui, c'est une version, une vision manichéenne, en fait, de l'existence. En plus. Alors, et donc, plus vous accumulez de bons points, donc plus vos chances d'aller au paradis augmentent. Mais on croit comprendre, en tout cas, que il est entièrement du mérite de l'individu qui a bien agi, qui n'a pas pesté dans les bouchons, etc., de s'être abstenu de mal agir, de s'être abstenu de la tentation, etc. Et qu'ainsi, il a gagné sa place au paradis. Alors les choses, selon Pascal, sont un petit peu plus compliquées évidemment, et selon Pascal, selon son siècle, selon l'augustinisme, dans la mesure où nous n'est pas en notre pouvoir à proprement parler de mériter le salut, nous le méritons dans la mesure où Dieu d'abord nous aide à le mériter, c'est-à-dire dans la mesure où il donne à notre volonté la force, non seulement d'accomplir le bien lorsque nous le reconnaissons, mais également la capacité de le reconnaître et la force de le vouloir. En ce sens, si vous voulez, la grâce de Dieu, puisque c'est de ça qu'il s'agit ici, la grâce de Dieu, elle n'est pas seulement dispensée à titre de récompense à celui qui, de son propre chef et par son propre pouvoir, a bien agi, elle est également dispensée à celui qui n'a pas la force de bien agir pour lui donner cette force, et à celui qui peut-être n'a pas la force de vouloir bien faire pour lui donner cette volonté. Et donc l'action de Dieu sur sa créature, si vous voulez, remonte extrêmement loin dans la genèse d'une action, depuis la première intention jusqu'à sa réalisation. Ça veut dire que le sort de l'homme est entièrement entre les mains de Dieu. Ça veut dire effectivement qu'il n'y a pas d'initiative qui vienne à proprement parler de l'homme seul, et dont ils ne doivent pas, comme on dit, rendre grâce à Dieu, dont ils ne doivent pas remercier Dieu. Mais les conséquences philosophiques, même très concrètes de ce que vous dites, sont redoutables. Ça veut dire que l'homme n'est pas vraiment libre, puisque de toute façon c'est Dieu qui décide pour lui, et qu'ensuite, peu importe ce qu'il fait ici-bas, son sort est couru d'avance. Alors, ça c'est l'objection évidemment qui se présente immédiatement à nous, et je pense surtout à nous autres modernes. Alors, pourquoi ? Parce que nous avons, nous, je crois, tendance à nous représenter l'action enfin le concours de la créature et du créateur au salut de la créature, donc autrement dit l'espèce de collaboration qui se fait entre l'homme et Dieu pour le salut, un petit peu de la façon dont l'extrait placé en début de d'émission nous le représente. C'est-à-dire que à nous revient l'initiative de bien agir, à nous revient d'avoir une volonté suffisamment forte pour la mettre en œuvre, et puis ensuite, eh bien, les points sont comptabilisés. Alors ça revient en fait à une doctrine que Pascal a combattue toute sa vie et qui est en fait une doctrine moliniste, donc de Molina qui écrivait au siècle précédent Pascal, et une doctrine moliniste qui effectivement donne au libre arbitre humain énormément plus que la théologie, on va dire, augustinienne, traditionnelle, majoritaire de l'époque, ne veut bien lui accorder. Et les années où Pascal vit, pense, réfléchit, écrit... Donc début du XVIIe siècle Milieu du XVIIe siècle. Il naît en 1623. Et voilà, et les grands moments, si vous voulez, de l'écriture, par exemple, des écrits sur la grâce ou des provinciales, c'est au milieu des années 1650. Donc quand il a déjà une partie de son œuvre derrière lui, si vous voulez, il est déjà connu comme mathématicien, scientifique, etc. Les moments, donc, les années 1650 où se nouent les querelles de la grâce, les querelles de provinciales, ce sont des années donc où on observe en Occident, dans l'Église d'Occident, eh bien, une sorte de réforme rapide, assez radicale, qui fait passer l'Église d'une conception dure, augustiniste de la grâce, celle que je viens de vous décrire, dans laquelle Dieu, en quelque sorte, fait tout du début jusqu'à la fin, ou presque, à une conception beaucoup plus laxiste, ou en tout cas, c'est ce qu'auraient dit les gens de l'époque, ou en tout cas une conception qui donne énormément plus de place à l'initiative humaine. Une conception qui est plutôt jésuite, plutôt moliniste, et dont on peut dire d'ailleurs qu'elle a gagné, qu'elle a remporté la victoire, et qu'elle correspond aujourd'hui à ce que la plupart, je pense, des chrétiens, des catholiques, avouent pour être leur croyance, et qui également tente à déterminer ce que nous pensons être le dogme catholique. Ce qui aurait surpris énormément, par exemple, quelqu'un comme Augustin. On va voir ensemble comment Pascal met en scène cette querelle entre jésuites et jansénistes dans un texte moins connu que les pensées qui s'appelle Les Provinciales, un texte fictif qui met en scène ces querelles de l'époque sous forme de lettres. C'est un texte passionnant, très bien écrit, on va l'entendre. On va aussi entendre un extrait des écrits sur la grâce, qui sont des points plus techniques mais aux enjeux philosophiques vraiment, vraiment passionnants que vous allez déplier pour nous, Guillaume Coqui. D'abord, écoutons un extrait d'une discussion entre Pascal et sa sœur qui a beaucoup compté pour lui, qui lui a beaucoup apporté dans son développement philosophique. C'est un extrait d'un dialogue entre les deux qui est évidemment mis en scène par Roberto Rossellini dans le film de 1972. Mais que faites-vous donc? Au lieu de venir vous-même, vous auriez pu mander votre valet. Vous vous fatiguez inutilement. J'ai la faiblesse de vouloir me tenir en état de pauvreté. Mais vous oubliez cependant la pauvreté d'esprit. Et vous ne sembliez pas jusqu'à présent cultiver cette disposition ni dans vos pensées ni dans vos actes. N'est-ce pas là l'une de vos contradictions? Vous avez raison de me juger avec sévérité. Mais écoutez, le vide n'est que la figure de l'infini. Et si je cherche le vide dans la nature, j'en trouverai la correspondance dans le cœur de l'homme. Et quand j'aurai éprouvé le vide de ma vanité, quand ma conscience ne sera plus préoccupée par toutes sortes de pensées vaines, ou de désir, Dieu, que je connais par ma raison, c'est-à-dire que j'ignore, Dieu prendra peut-être en considération la place que je lui aurai faite en moi. Place qui ne sera pas à la mesure finie et misérable de ma raison, mais à la mesure infinie du vide. Que Dieu se montre, et je la prendrai. Comment parler à Dieu et comment le reconnaître s'il nous parle? C'est la question du jour sur France Culture, les chemins de la philosophie à travers les textes de Blaise Pascal et en compagnie du philosophe Guillaume Coqui qui est avec moi en studio pour évoquer ces questions passionnantes et souvent redoutables. Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, Pascal et sa sœur Jacqueline, donc celle-ci l'interroge sur les manières qu'il a d'essayer d'accéder même à Dieu. Il dit « Dieu, que je connais par ma raison, c'est-à-dire que j'ignore. Arrêtons-nous là-dessus, Guillaume Coqui, parce que c'est très important pour comprendre la manière qu'a Pascal de mettre en scène et de mettre en œuvre une distinction entre le cœur et la raison pour arriver à Dieu. En clair, c'est pas par la raison qu'on arrive à Dieu. Alors, vous avez raison. C'est-à-dire que le peu qu'on peut peut-être connaître par la raison naturelle de Dieu, démonstration de l'existence de Dieu, dont Descartes, par exemple, vient de remettre à l'honneur dans ses méditations, le peu qu'on peut connaître par la raison de Dieu, selon Pascal, ne nous fera jamais parvenir, si vous voulez, à ce qui fait la particularité, j'ai presque envie de dire l'intérêt, toute la substance du Dieu chrétien, c'est-à-dire à un Dieu personnel qui entretient avec un peuple et la masse des élus une histoire qui est une histoire personnelle. C'est-à-dire qu'on peut toujours essayer de définir Dieu comme l'être omniscient, omnipotent, etc. Comme l'être nécessaire. On peut toujours tenter de retrouver à partir de ses caractéristiques le chemin d'une démonstration de son existence. Mais ce faisant, on aura au fond, et ça c'est une des critiques les plus constantes de Pascal, on aura défini qu'une abstraction. C'est-à-dire on aura défini qu'une construction intellectuelle qui peut être un correspondant dans la réalité, mais un correspondant qui contient infiniment plus et qui par exemple a une alliance avec l'humanité ou une partie de celle-ci et que du coup le mémorial de Pascal, qui est souvenir d'une nuit d'extase qu'il gardait cousu dans son vêtement, qu'il gardait sur lui en permanence, appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et non le Dieu des philosophes et des savants. Autrement dit, il y aurait éventuellement une stratégie purement philosophique, mais elle aurait, selon Pascal, ce tort de rester philosophique, pour parvenir à une connaissance de la divinité dans ses principales propriétés, dans les grandes lignes. Cette connaissance-là, à supposer qu'on puisse y arriver, Pascal est pas très très... Pascal est volontiers, disons, dubitatif là-dessus. À supposer qu'on puisse y arriver, cette connaissance-là, de toute façon, ne nous rapprocherait pas du Dieu personnel, incarné, plein de mystères, qui est celui-là qui nous promet le salut. Parce que un Dieu omniscient et omnipotent pourrait tout aussi bien après tout être le Dieu des philosophes pourrait tout aussi bien après tout être un Dieu indifférent au sort humain. Le Dieu qui promet le salut, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, comme dit Pascal. C'est un Dieu que la raison seule ne nous fera pas connaître. Et donc il faut, comme dit l'extrait que vous venez de passer, il faut que le cœur s'ouvre. Et si le cœur s'ouvre, alors il dépend éventuellement de Dieu, de la volonté de Dieu, de bien vouloir le remplir. Oui, ce qui est encore voilà l'étape supérieure, mais ça veut dire que la distinction ici entre le cœur et la raison, qui rappelle une citation qu'on évoque souvent à propos de Pascal, hein, le cœur a ses raisons que la raison ignore, ce qui montre bien que ce sont deux ordres différents, et là, le terme d'ordre est très important, établit l'indistinction entre savoir et croire. On ne sait pas que Dieu existe, on peut croire qu'il existe. Alors, tout à fait. Au demeurant, il n'y aurait aucun mérite à croire, et ça c'est un point de théologie avec lequel Pascal du coup philosophiquement s'accorde, hein. Il n'y aurait aucun mérite à croire s'il y avait des démonstrations parfaitement claires et accessibles à absolument tous les hommes. Or la croyance, dans sa forme la plus élevée, la foi, c'est une vertu théologale. Donc il faut si possible croire, il faut si possible chercher à avoir la foi, c'est-à-dire se rendre disponible pour cette grâce particulière que Dieu peut seul donner et qui va faire habiter les prières, par exemple, qui va donner du sens aux mots mécaniquement prononcés et qui va permettre effectivement de toucher le cœur. Alors, il y a, si vous voulez, une discontinuité qui est totale, qui est radicale, entre ce que la raison peut connaître par ses seules forces de Dieu, à supposer qu'elle puisse en connaître quelque chose, et la conviction intime, absolument personnelle, et du coup difficilement communicable, que représente la croyance au sens propre, celle que Pascal essaie de favoriser, essaie de défendre, essaie de susciter dans la mesure où il le peut. Et pourquoi assigne-t-il cette foi ou cette croyance en la place du cœur ? Parce que le cœur est aujourd'hui, pour nous modernes, en tout cas, le cœur, c'est le lieu des sentiments, des passions, de l'amour. Alors certes, il y a un amour pour Dieu, mais la foi, pourquoi se situe-t-elle dans l'ordre du cœur ? Alors le terme de cœur chez Pascal a pas mal de sens, qu'il est un petit peu compliqué de tous rabattre sur une unique idée. Disons que si vous regardez un fragment comme le fragment La Fuma 110, par exemple, bon, peu importe la référence exacte, Pascal oppose de manière systématique le travail de la raison, qui consiste en gros à, une fois que vous avez des principes, vous en déroulez des conséquences. C'est ce qui arrive dans un raisonnement mathématique, c'est ce qui arrive quand vous syllogisez, quand vous faites des syllogismes. Et donc le travail de la raison, qui c'est essentiellement un travail, si vous voulez, qui consiste à exploiter des liens logiques, à les expliciter et à dérouler des conséquences à partir de principes. Le travail, si j'ose dire, du cœur, mais c'est à peine un travail, justement, consiste, quant à lui, dans une connaissance qui se passe de justification, mais qui est une connaissance qui est donnée immédiatement. L'intuition ? Alors, oui, si vous voulez, on peut parler d'une faculté intuitive, et non pas discursive, par opposition, que discursive, ce que la raison serait, une faculté de connaissance, si vous voulez, ou du moins de certitude qui soit absolument immédiate. Et de ce point de vue-là, Pascal donne des exemples, et il dit c'est comme ça que nous savons qu'il y a une infinité de nombres, c'est comme ça que nous savons qu'il y a trois dimensions dans l'espace, c'est comme ça que nous savons peut-être comme ça que nous savons que nous sommes éveillés et que nous ne sommes pas en train de rêver en ce moment. Autrement dit, toutes ces certitudes qui sont totales, reconnaissons-le, immédiates, mais que nous serons bien en peine de démontrer, nous ne pourrons pas, hein, même les mathématiques modernes posent un axiome de l'infini, hein, l'infinité des nombres naturels. On est bien obligé de la postuler en espérant que le ciel ne tombe pas sur la tête, comme dirait un enseignant de polytechnique, Pierre Colmez. Voilà. La certitude, donc du coup, peut-être que de la part de Pascal, assigner la foi au cœur, ça revient précisément avant tout à ça, c'est-à-dire la mettre le plus loin possible du raisonnement, le plus loin possible de la raison, et en faire une certitude immédiate qui, même si elle a du mal à se communiquer, n'en est pas moins totale, et de ce point de vue, du coup, immunisée aussi contre les objections de ceux qui se pensent malins, et qui seront trouvés toujours une raison ou une autre de douter. Et pourtant, dans les pensées, donc les liasses de textes rassemblés dans ce qu'on a appelé les pensées de Pascal, se trouve un fragment qui est resté célèbre, qu'on appelle le fragment du pari. Mmh. Et dans le pari, ce qu'on appelle nous aujourd'hui rétrospectivement le pari, c'est un texte dans lequel Pascal s'adresse à un certain type de personnes qui sont des personnes qui aiment jouer comme on joue au casino, qui aiment parier, qui aiment mettre des mises, qui aiment tirer à pile ou face, entre croix ou pile, dit-il, dans le but de les convaincre du bien fondé de la croyance en Dieu. Tout ce que nous venons de dire jusqu'à présent consistait à distinguer l'ordre du cœur, qui était celui qui permettait de croire en Dieu, de l'ordre de la raison, qui est celui du raisonnement inutile pour croire en Dieu. Dans le pari, il se met en tête de convertir, vraiment de s'adresser à des personnes qui ne croient pas en Dieu, leur montrant qu'ils ont tout intérêt à croire en Dieu. Et là encore, même la notion même d'intérêt semble contredire ce que vous avez dit sur Pascal, puisque c'est comme s'il fallait faire quelque chose par intérêt, et non par gratuité, non parce que Dieu avait décidé qu'il était bon pour nous d'agir ainsi. Écoutons ce texte, beaucoup cité et peu entendu, écoutez la beauté de ce texte, la force de ce texte, et vous nous direz ensuite en quel sens, Guillaume Coqui, est-ce que ce texte-là n'est pas contradictoire avec tout ce qu'on sait de Pascal par ailleurs. On va voir. S'il y a un Dieu, il est infiniment incompréhensible, puisque n'ayant ni parti ni borne, il n'a nul rapport à nous. Nous sommes donc incapables de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est. Cela étant, qui osera entreprendre de résoudre cette question ? Ce n'est pas nous qui n'avons aucun rapport à lui. Qui blâmera donc les chrétiens de ne pouvoir rendre raison de leur créance, eux qui professent une religion dont ils ne peuvent rendre raison ? C'est en manquant de preuves qu'il ne manque pas de sens. Examinons donc ce point et disons, Dieu est ou il n'est pas. Mais de quel côté pencherons-nous ? La raison n'y peut déterminer. Il y a un chaos infini qui nous sépare. Il se joue un jeu à l'extrémité de cette distance infinie où il arrivera à croix ou pile. Que gagerez-vous ? Par raison, vous ne pouvez faire ni l'un ni l'autre. Par raison, vous ne pouvez défaire nul des deux. Le juste est de ne point parier. Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous donc? Voyons, puisqu'il faut choisir, voyons ce qui vous intéresse le moins. Vous avez deux choses à perdre, le vrai et le bien, et deux choses à engager, votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude. Et votre nature a deux choses à fuir, l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée puisqu'il faut nécessairement choisir. En choisissant l'un que l'autre, voilà un point vidé. Mais votre béatitude? Pesons le gain et la perte en prenant croix que Dieu est. Estimons ces deux cas. Si vous gagnez, vous gagnez tout. Et si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter. C'est la comédienne Nicole Garcia qui prête sa voix au philosophe Blaise Pascal et le pianiste Keith Jarrett qui fait résonner ce moment de Paris pascalien. Je vous invite, chers auditeurs, à vous référer au texte directement, peu importe l'édition, hein, personne n'est d'accord sur l'ordre des liasses qu'il faudrait respecter, peu importe, lisez ce texte, tellement il est riche et fort. Guillaume Coqui, il est impossible de prouver l'existence de Dieu, mais il est rationnel d'essayer de démontrer l'intérêt de croire en Dieu. Ah, c'est bizarre. Hein. Oui. Alors, dans le Paris, dont on vient d'entendre le début, effectivement, vous l'avez dit, Pascal s'adresse à, on va dire, un incrédule, un libertin, comme il pouvait en connaître dans son entourage, des gens comme Damien Mitton, le chevalier de Méret. Il s'adresse à un incrédule, mettons, qu'il s'agit... Et le point de départ de toute l'argumentation est le suivant. Vous, comme le texte le rappelle lui-même, bon, nous ne savons pas si Dieu existe ou non. Autrement dit, la raison, précisément au sens de la raison théorique, au sens de la raison qui est capable de parvenir à des certitudes sur une question de fait comme celle-ci, Dieu existe ou il n'existe pas, celle-là donc est mise hors jeu d'emblée. Cela dit... Et Pascal vient de le découvrir en réfléchissant sur les jeux de hasard, justement, dans une correspondance avec le mathématicien toulousain Pierre de Fermat. Non seulement, même quand on est incertain de la vérité, il y a des conduites plus rationnelles que d'autres. Bon, ça, à la limite, c'est pas une découverte, c'est connu depuis longtemps. Comme dirait Descartes, si vous êtes perdu au milieu d'un bois, pour en sortir, vous avez intérêt à aller tout droit, si vous le pouvez. L'indécision, ce serait la pire des conduites, que vous risquerez de tourner en rond. Mais donc qu'il y ait des conduites, si vous voulez, plus rationnelles que d'autres en situation d'incertitude, ça c'est normal. Mais on peut, dans une certaine mesure, et c'est ça c'est ce que Pascal justement est en train de découvrir en mathématicien, en fondant le calcul des probabilités avec Pierre de Fermat, on peut dans une certaine mesure hiérarchiser ces conduites, on peut dans une certaine mesure parfois même quantifier la probabilité d'une option et l'intérêt qu'il y a à la suivre. Alors donc, comme on vient de l'entendre, le pari consiste à dire quoi dans son premier argument hein, qu'on vient d'entendre, c'est un texte un peu plus long que ça, il consiste à dire, mais s'il était en votre pouvoir de croire ou non, s'il suffisait de claquer des doigts pour croire, c'est pas le cas, on y reviendra, s'il suffisait de claquer des doigts pour croire, est-ce que vous n'auriez pas tout intérêt à croire plutôt que non, puisque l'incroyance vous ferme les portes du salut, alors que la croyance, éventuellement, vous les ouvre, éventuellement. En tout cas, elle ne vous ferme pas cette possibilité. Réponse, oui. Et dans ce qu'on vient d'entendre ici, il y a une conduite, si vous voulez, qui est gagnante dans toutes les issues possibles. Si Dieu n'existe pas, que vous avez cru en Dieu, bon, bah, tant pis pour vous. Vous n'avez rien perdu. Vous n'avez rien perdu, vous serez anéanti de toute façon à la mort, comme vous le craignez, éventuellement. Et si jamais Dieu existe, au moins vous n'avez pas brûlé votre unique chance de salut. Donc, dans tous les cas, s'il était en votre pouvoir d'avoir la foi, vous auriez tout intérêt donc à chercher à l'avoir. Alors, pourquoi est-ce que ce vocabulaire de l'intérêt peut choquer? C'est vrai. Il a choqué d'ailleurs. Hein. Vous avez quantité d'ecclésiastiques qui se sont étouffés en lisant qu'on comparait les problèmes de la croyance en Dieu à des questions de jeu de hasard, qui voyaient quelque chose de parfaitement obscène dans ces comparaisons. Mais en fait, les jeux symbolisent justement ce qui nous... Enfin, symbolisent ou permettent de modéliser ce qui nous intéresse ici, c'est-à-dire l'action en situation d'incertitude. De ce point de vue-là, si vous voulez, on a un texte qui forme peut-être le tout premier, vraiment la naissance de ce qu'on appellerait aujourd'hui la théorie de la décision. Vous avez que deux options, croire ou ne pas croire. Vous avez deux issues, il existe ou il n'existe pas. Et là, vous avez une option qui est, on dirait aujourd'hui, dominante, c'est-à-dire que dans tous les cas de figure, il valait mieux la choisir. Mais Pascal dit quelque chose de très fort. Il dit, il faut parier. Ah, ça oui. N'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Et le terme est très fort aussi, parce que dire que nous sommes embarqués, ça veut dire que de toute façon, en fait, nous n'avons pas le choix. Il présente les choses comme s'il était de notre ressort de choisir de décider en Dieu ou pas, mais ce qu'il nous dit vraiment, c'est que de toute façon, même sans le savoir, nous avons déjà choisi en ne croyant pas, ou en croyant. Alors, peut-être pouvons-nous encore modifier le choix que nous avons fait, mais c'est vrai que, de ce point de vue-là, si vous voulez, la position qui serait agnostique, je ne participe pas, je n'en sais rien. Ça ne me regarde pas. Oui, voilà. Agnostique, ou éventuellement, parce que ça c'est encore pire selon Pascal, indifférente, à savoir je détourne les yeux, je me divertis de ma condition, je refuse de voir que tout se joue pour moi dans mon dos. Donc l'indifférence, ça c'est quelque chose qui juge monstrueux, insupportable, parce que justement... il y va de notre intérêt le plus strict. En ce sens-là, si vous voulez, je ne pense pas qu'il faille refuser de parler d'intérêt, y compris égoïste, dans la question du salut. La question du salut est une question personnelle, ça m'engage moi. J'ai qu'une vie, à ce que je sache. Je peux la miser, mais perdre l'espoir de la vie éternelle, c'est pour moi, à titre simplement personnel, simplement égoïste, la plus grande perte qu'il est possible d'imaginer. Et de toute façon, j'ai déjà misé, c'est ça que nous dit Pascal. Voilà. Et de toute façon, j'ai déjà misé au sens où le jeu a commencé sans moi. Le jeu a commencé sans moi, à partir du moment où je suis ici, sur Terre, à partir du moment où je mène une vie d'une certaine façon, c'est-à-dire soit je mène une vie de chrétien, qui veut dire... se confesser, aller à la messe. Bon, Pascal a évidemment une vision très déterminée de ce que c'est qu'une vie de chrétien, qui comporte un bon nombre d'obligations et de rites, hein, bien sûr, c'est le catholicisme du XVIIe siècle dont on parle. Donc, soit je mets une vie de chrétien, soit non. Et si je crois me réfugier dans l'indifférence, ou si je crois me réfugier dans l'agnosticisme, dans une posture d'abstention purement théorique, je ne sais pas s'il existe, je ne sais pas s'il n'existe pas, je n'affirme rien, une posture sceptique, si vous voulez. Alors, en réalité, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement vivre une vie de païen. C'est-à-dire, c'est brûler l'unique chance que j'ai. Voilà. Donc oui, effectivement, nous sommes coincés au sens où, dans la plupart des jeux, une loterie par exemple, on peut choisir d'y participer ou non. Cette loterie a ceci de particulier. Elle a plein de choses de particulier. La loterie du pari a beaucoup de particularités si on regarde, mais cette loterie a ceci de particulier que vous êtes déjà dedans. Vous pouvez, à la limite, retirer votre mise, partir du jeu, mais vous sacrifiez l'espoir de gain. Et si vous retirez votre mise, comme Pascal le dit dans un fragment des Pensées, au fond, le parti, ce que vous retirez, ce que vous empochez en interrompant la partie, c'est quoi? C'est 10 ans. 10 ans d'amour propre à essayer de satisfaire vos désirs dans la mesure où la marche du monde vous le permettra. C'est-à-dire, une mesure en général faible. Donc voilà, vous avez peut-être 10 ans à vivre en essayant de collectionner quelques plaisirs et bien souvent en n'y parvenant pas. Ou sinon, vous essayez de ne pas sacrifier l'espoir de la vie éternelle. Ce qui est formidable dans ce texte du pari, c'est qu'en fait ça marche. C'est une analyse très anthropologique en fait, comment nous autres êtres humains choisissons de vivre notre vie avec ou sans Dieu. Mais finalement, il y a une lecture possible dans laquelle la perspective chrétienne n'est pas première. C'est vraiment une question de choix de vie. Comment choisissons-nous de vivre notre vie ici-bas ? Oui. Au fond, vous pourriez on pourrait essayer de faire des variations sur le pari en remplaçant la vie chrétienne par un certain nombre d'autres choses. Mais c'est certain qu'avec des choix, disons, d'une ampleur existentielle comme celui-là, effectivement, nous sommes embarqués. Il y a des choix qu'on ne choisit pas de faire. Nous sommes tous déjà des joueurs. Voilà. Alors, la question se pose de savoir dans quelle mesure ce que Pascal dit dans ce texte, qui semble s'adresser à quelqu'un qui pourrait encore choisir, même si une partie de son choix est déjà décidée, est compatible avec la doctrine de l'Église de l'époque, qui consiste à penser que c'est Dieu qui choisit l'homme, que c'est l'intervention de la grâce divine qui vient élire certains d'entre nous pour accéder à l'au-delà, ou non. C'est l'enjeu des provinciales, donc un texte écrit autour de 1656, dans lequel Pascal met en scène la joute assez violente qu'il y a eu entre les jansénistes auxquels il appartenait, les jésuites, mais aussi les thomistes. On va en entendre un extrait tout de suite de ce texte, mais d'abord écoutez la réponse que François Mauriac apporte à ceux d'entre nous qui se demanderaient, mais en fait, pourquoi lire les provinciales aujourd'hui ? Il est bien évident que les questions posées par Pascal dans les provinciales n'intéresse plus personne. Je ne crois pas que les Français soient très préoccupés par les problèmes de la grâce suffisante qui ne suffit pas, et je ne crois pas non plus qu'ils se posent beaucoup de cas de conscience à la manière des casuistes dont se moquait Pascal. Et pourtant, les provinciales sont restées extrêmement vivantes. Pascal, il y a 300 ans, a atteint du premier coup le chef-d'œuvre de la polémique. Depuis, on l'a imité, on ne l'a jamais égalé. C'était François Mauriac en 1956, Paris vous parle. Guillaume Couqui, vous souscrivez à ces analyses de François Mauriac ? Oui. Vous avez le droit de dire non, hein. C'est pas parce que c'est Mauriac qui a raison. Bien sûr. En ce qui concerne la difficulté, si vous voulez, d'entrer dans les problèmes posés par les distinctions parfois subtiles que le texte pose, il y a aucun doute. En ce qui concerne l'art d'écrire de Pascal dans les provinciales, l'art de la polémique, l'art de ridiculiser l'adversaire, l'art de mettre les rieurs de son côté, effectivement, je sais pas si on a des exemples de ce niveau ailleurs. En tout cas, je serais très embêté pour en citer. Du moins en langue française. Effectivement, vous avez, avec les provinciales, vous avez quelque chose de particulièrement improbable, c'est-à-dire une querelle théologique pointue, byzantine même, pourrait-on croire, qui, d'un seul coup, fait irruption dans la presse de l'époque. Enfin, c'était des petites plaquettes qui étaient d'abord distribuées sous le manteau et ensuite vendues sous le manteau également. Ça a été un succès considérable, malgré l'obligation de clandestinité. Donc il fait irruption, si vous voulez, dans une presse, alors grand public, à rapporter aux dimensions du public de l'époque, bien sûr, surtout parisien. Mais c'était quand même particulièrement inattendu d'arriver à faire rire la moitié de Paris et à faire s'étouffer l'autre moitié, avec des questions d'abord théologiques. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Alors, effectivement, si ça ne vous dérange pas, je reviens sur un point. Allez-y, avant qu'on écoute la lettre, oui. Je reviens sur un point. Comme vous l'avez dit, le pari dont on parlait, il ne prouve pas du tout que le gros lot, en quelque sorte, du salut serait à notre portée, en déclarant, en quelque sorte, croire en Dieu. Bien sûr, comme vous l'avez rappelé, c'est Dieu malgré tout qui, par sa grâce, donne la foi aux croyants. Alors, pour ça, faudrait... on n'a pas le temps de lire tout le pari, bien sûr, mais faudrait renvoyer à la fin du texte dans lequel l'incroyant se révolte un peu, regimbe, renacle, si vous voulez, et dit, mais enfin... vous me démontrez que je dois croire, je peux pas. Ça n'est pas en moi, je ne le sens pas, je ne peux pas. Et Pascal lui répond à ce moment-là, mais moi je peux pas vous donner la foi non plus, bien sûr. Mais ce que vous pouvez faire, c'est commencer par vous agenouiller, c'est commencer par faire dire des messes, c'est commencer par vous confesser, autrement dit, commencer par faire les gestes extérieurs, les rites de la foi. Et alors, il a un terme extraordinaire, il dit « naturellement, cela vous fera croire et vous abêtira ». Vous abêtira. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en s'agenouillant qu'on devient croyant. Visiblement, il faut en passer par là. Il faut en passer par une certaine humiliation du corps, il faut en passer par la génuflexion. Et alors, peut-être, la machine, le corps, étant préparé, alors peut-être Dieu peut donner sa grâce dans ces conditions-là. Mais si vous voulez, ce que le pari démontre, c'est pas qu'il faut croire comme s'il suffisait de le vouloir, c'est que il faudrait au moins le désirer. Et s'il ne le désire pas, l'interlocuteur à la fin, ben, peut-être doit-il chercher ailleurs, c'est-à-dire dans les attraits de la vie de libertin qu'il mène, les raisons de son incrédulité. Il aime bien le vin, il aime bien les femmes, il aime bien les plaisirs de la chair. Peut-être c'est ça qui l'empêche. Mais ce n'est pas incompatible avec la croyance en Dieu. Pour Pascal, si ? Probablement. Ou du moins, il y a un moment où il faut savoir renoncer à ces choses-là pour vivre en chrétien comme il l'entend. Je crains que si. Si. Bon, on ne va pas essayer de vous abêtir, chers auditeurs. Au contraire, on essaie plutôt de faire l'inverse parce que personne n'essaie de vous faire croire en Dieu. En revanche, voici le texte de Pascal, donc mise en scène des dialogues souvent houleux entre jansénistes, jésuites et thomistes, dans la seconde lettre écrite à un provincial où on prend l'exemple, où Pascal prend l'exemple d'un homme blessé au bord de la route qui rencontre trois hommes. Et ces trois hommes, le premier véhicule la morale janséniste, le second la jésuite et le troisième le thomiste, propose trois façons différentes de faire face au problème, à savoir la blessure de cet homme. Tous les fidèles demandent aux théologiens quel est le véritable état de la nature depuis sa corruption. Voulez-vous voir une peinture de l'Église dans ses différents avis? Je la considère comme un homme qui, partant de son pays pour faire un voyage, est rencontré par des voleurs qui le blessent de plusieurs coups et le laissent à demi-mort. Il envoie quérir trois médecins dans les villes voisines. Le premier, ayant sondé les plaies, les juge mortels et lui déclare qu'il n'y a que Dieu qui lui puisse rendre ses forces perdues. Le second, arrivant ensuite, voulut le flatter et lui dit qu'il avait encore des forces suffisantes pour arriver en sa maison. Et insultant contre le premier qui s'opposait à son avis, forma le dessein de le perdre. Le malade, en cet état douteux, apercevant de loin le troisième, lui tend les mains comme à celui qui le devait déterminer. Celui-ci, ayant considéré ses blessures et sur l'avis des deux premiers, embrasse le second, s'unit à lui et tous deux ensemble se liguent contre le premier et le chassent honteusement car ils étaient plus forts en nombre. Le malade juge à ce procédé qu'il est de l'avis du second, qui lui déclare affirmativement que ses forces sont suffisantes pour faire son voyage. Le blessé, néanmoins, ressentant sa faiblesse, lui demande à quoi il les jugeait-elle. « C'est, lui dit-il, parce que vous avez encore vos jambes. Or, les jambes sont les organes qui suffisent naturellement pour marcher. Mais, lui dit le malade, ai-je toute la force nécessaire pour m'en servir, car il me semble qu'elles sont inutiles dans ma longueur. Non, certainement, dit le médecin. Et vous ne marcherez jamais effectivement si Dieu ne vous envoie un secours extraordinaire pour vous soutenir et conduire. Mais quoi ? Dit le malade. Je n'ai donc pas en moi les forces suffisantes et auxquelles il ne manque rien pour marcher effectivement. Vous en êtes bien éloigné, lui dit-il. Guillaume Coqui, l'homme blessé, c'est la nature de l'homme corrompu par le péché originel, non ? C'est ça. Donc c'est tout le monde ? C'est absolument tout le monde. Et les trois médecins, on peut donner les clés tout de suite. Oui. Les trois médecins, c'est ceux qui s'appellent volontiers Augustinien, le premier, Celui qui dit il vous faut une aide de Dieu pour rentrer chez vous. Dieu seul peut vous aider. Voilà, Dieu seul peut vous sauver. Dieu seul peut vous aider à rentrer chez vous. Le second, c'est un jésuite, un moliniste, qui dit en gros, vous avez une grâce suffisante, c'est ça que ça veut dire, c'est-à-dire, vous avez en vous tous les moyens de faire ce qui est bon pour vous. Le secours de Dieu vous est déjà acquis, il ne dépend plus que de vous de vous en servir ou non. Alors le troisième, quand on s'intéresse au troisième, c'est là qu'on arrive, si vous voulez, dans tout ce que la polémique des provinciales a de politique. Le troisième représente la duplicité de la Sorbonne, c'est-à-dire ceux que Pascal appelle les nouveaux thomistes ou encore les dominicains dans cette seconde provinciale. Duplicité de la Sorbonne qui voit très vite qu'elle n'a pas intérêt à se mettre à dos le corps des jésuites, qui commence à être remarquablement puissant à l'époque, et qui, par exemple, a ses entrées à Versailles et au Louvre, c'est-à-dire chez les Richelieu, Mazarin, le révérend Perana, confesseur du roi, c'est un jésuite. Bon, enfin, ils noyautent les postes, si vous voulez, ils noyautent le pouvoir. Alors, là, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de dire, en gros, qu'il s'agit de faire une alliance factice de la part des théologiens thomistes de la Sorbonne, il s'agit de faire une alliance factice avec les jésuites, en disant, en servant des mots mêmes par lesquels les jésuites s'expriment, tout en entendant par là tout à fait autre chose. Autrement dit, si on rabat la comparaison, en gros, il s'agit de dire que dans l'état, après le péché originel, où est la nature, l'homme est dans un tel état que la question est de savoir s'il a en lui les forces de bien faire, ou s'il est condamné à mal vouloir, mal agir, pécher et en subir les conséquences. Donc, en gros, s'il peut être sauvé, et si oui, est-ce qu'il a son mot à dire, ou est-ce que seul Dieu peut le sauver ? Est-ce que son salut peut être entre ses mains ? Voilà, c'est ça. Alors, premier médecin janséniste, mon pauvre ami, vous êtes dans un tel état que seul Dieu peut vous sortir de là. Le deuxième, qui représente la position moliniste, vous avez un libre arbitre, servez-vous-en. Vous avez ce que les molinistes appellent à ce moment-là la grâce suffisante, une grâce suffisante qui est donnée à tous les hommes, à partir de quoi c'est à l'homme de prendre le relais, à l'homme d'agir pour son salut. Et le thomiste donc fait une alliance purement verbale avec le second, il dit oui, vous avez une grâce suffisante. Alors le thomiste, dans le secret de ses écoles, explique à ses disciples que la grâce suffisante en réalité ne suffit pas du tout, et qu'il faut en outre ce qu'il appelle une grâce efficace, qui n'est donnée qu'à quelques hommes et pas à tous, et qui, elle seule, peut effectivement mettre le malade en état de marcher ou mettre l'homme en état d'acquérir le salut. Alors, en démontant le procédé, si vous voulez, en démontant une alliance qui est purement factice et qui se base au fond que sur des formules communes, Pascal essaie de montrer que la seule position qui soit réellement honnête, c'est celle qui consiste non pas dans ce que le troisième médecin dit, mais dans ce que le troisième médecin pense, c'est-à-dire exactement la même chose que le premier. Et donc, du coup, vous avez... Et de fait, il est difficile de donner tort à Pascal. Vous avez une situation à l'époque qui est un peu rocambolesque, parce que des docteurs jansénistes comme Antoine Arnauld, qui était docteur en Sorbonne, se font attaquer et menacer de censure. Il a d'ailleurs fini par vivre dans la clandestinité, Arnauld, pendant un certain temps, qui sont attaqués en Sorbonne et menacés de censure, parce qu'ils soutiennent des positions qui, quand au fond, sont totalement conformes à ce que saint Thomas, saint Augustin contiennent et à ce que les Sorbonnards, dans leur grande majorité, affirment, mais qui, verbalement, par contre, sont tout à fait contraires à ce qu'ils acceptent de dire. Pourquoi ? Parce que ça rend tout le corps religieux inutile dans ce cas. Si seul Dieu décide, alors il n'y a plus besoin de hiérarchie ni de communauté. Alors non, c'est pas tellement ça la question. La question est de savoir... Bon, il y a pas mal de ramifications. Mais la question est de savoir, surtout, dans quelle mesure il est possible d'accorder autant de pouvoir à l'homme. C'est ah oui, c'est que... ça, mais dans le cas des jésuites, mais dans le cas des jansénistes, si c'est seul Dieu peut nous venir en aide, oui. Pourquoi est-ce que cela est inaudible par l'Église ? Pourquoi est-ce qu'Arnaud a vécu dans la clandestinité ? Alors, je comprends. Alors, il y a probablement une raison, il y en a 50, hein, mais si je devais en privilégier une, je vous dirais que c'est l'ère du temps. C'est-à-dire, je vous dirais que la religiosité janséniste ou augustinienne est une doctrine sévère qui implique qu'on ne mérite pas, par exemple, son salut, qui implique également, au moins les mots le disent, qu'une grâce suffisante n'est pas donnée à tous les hommes, qu'il ne dépend pas de chacun de se sauver, et qui est, si vous voulez, humiliante pour le croyant. Face à ça, la boutique d'en face, les jésuites, ils ont, si vous voulez, un marketing autrement plus alléchant. Beaucoup plus humaniste, on dirait. Beaucoup plus, on peut dire ça, très bien, oui, beaucoup plus humaniste, et en tout cas, qui promet énormément, c'est-à-dire qui promet à la fois des conditions, si vous voulez, de pardon dans le confessionnal qui sont accommodantes, et qui promet aussi, donc, que chacun devrait pouvoir se sauver, que les efforts à faire pour ça sont pas si énormes que ça. Et si vous voulez, il y a une espèce de dumping sur le salut, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, qui va assez vite balayer la concurrence. Donc, largement, une des questions qui se pose à l'époque, c'est la question de savoir si oui ou non on va réussir à sauver l'Église, qui est menacée par la science nouvelle, qui est menacée par... des façons de vivre également, les mœurs qui se relâchent. La dépravation des mœurs déjà. Oui, bien sûr, la dépravation des mœurs déjà. Si on va réussir à sauver l'Église en l'ouvrant ou en la fermant. Et le parti de l'ouverture, c'est le parti jésuite. Assouplissons les exigences, pardonnons, promettons largement le salut à tous. Le parti janséniste, c'est restons sur la doctrine de Saint-Augustin. D'ailleurs, qui est majoritaire à l'époque ça se décide dans ces années-là. Des papes meurent avant d'avoir publié les bulles, ils hésitent, etc. C'est une période extrêmement indécise, mais au début du 18e siècle, avec la bulle Unigenitus, on peut dire que la défaite, d'ailleurs l'abbaye de Port-Royal est rasée par Louis XIV à la fin de sa vie, au début du 18e siècle, on peut dire que le jansénisme, le parti augustinien traditionnel aura complètement vécu et la défaite sera totale. Juste un point quand même, après tout ce que vous venez de dire, puisque vous avez dit que Pascal était janséniste, c'est donc la doctrine la plus sévère du catholicisme à l'époque, absolument, qui tire la grâce pour un don gratuit de Dieu, jamais garanti, qui ne fonctionne pas au mérite, donc creuse l'écart de manière très profonde entre l'homme et Dieu, qui est absolument incompréhensible, inaccessible à la raison. Comment est-ce que cette conception-là de Dieu peut être compatible avec le travail philosophique de Pascal ? C'est là où ça semble contradictoire. Alors, je dirais qu'une bonne partie du travail de Pascal consiste justement à creuser dans la nature, dans les pouvoirs de la raison humaine, pour montrer, s'il le peut, que le spectacle de la nature humaine comporte des contradictions qui sont pas solubles, qui sont pas compréhensibles, indépendamment d'une aide extérieure, c'est-à-dire indépendamment d'une révélation extérieure. Autrement dit, Pascal prend l'homme comme un paradoxe, qu'il approfondit autant qu'il le peut, jusqu'à montrer que non, nous ne pouvons pas comprendre ce que nous sommes, et c'est à ce moment-là, si je veux dire, que la révélation peut cueillir au bon la balle qui a été ainsi lâchée par la raison. Donc il faut commencer par reconnaître notre propre contradiction. C'est ça. Et après... c'est entre les mains de Dieu. Voilà. Inch'Allah. Merci à vous, Guillaume Coquille. Un grand merci d'être venu nous parler de Pascal aujourd'hui. Je renvoie les auditeurs à votre ouvrage qui va bientôt paraître aux éditions Ellipse, consacré à Pascal. On se quitte avec Jeff Buckley. wishing to stay long enough for the clouds to fly me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour, chère Anastasia. Bonjour, chère Adèle. Bonjour, tout le monde. De quoi nous parlez-vous aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un mythe contemporain, bien ancré dans nos consciences, et qui pourtant est assez récent, celui du bonheur au travail. Quand je dis assez récent, c'est parce que dans la génération de nos grands-parents, cette question était quasiment absente. On travaillait surtout pour subvenir à ses besoins. Alors ensuite, on pouvait avoir un patron plus ou moins arrangeant ou sympathique, mais l'idée que le travail pouvait ou devait être associé à un quelconque bonheur relevait à peu près du non-sens. En remontant le fil de l'histoire, on constate même que travail et bonheur ont longtemps été deux concepts assez antithétiques. Chez les Grecs, le bonheur ne s'accomplit que dans l'oisiveté, au sens positif, promu comme valeur, c'est-à-dire dans la contemplation nécessaire à la recherche de la vérité et de la vie bonne. C'est ce que retiennent également les Romains, qui opposent, comme vous le savez, l'otium, c'est-à-dire l'inaction, le calme, la tranquillité, le loisir studieux, et le negotium, c'est-à-dire l'action, la politique, les affaires. C'est ainsi que pendant des siècles, dans l'aristocratie, le fait de travailler est considéré de mauvais ton. Le français permet d'ailleurs assez bien de le saisir, puisque, comme vous le savez aussi, le mot « travail » vient du latin « tripalium », qui est un instrument d'immobilisation et de torture utilisé pour punir les esclaves rebelles dans la Rome antique. Mais non, je ne le savais pas, merci pour ces mises au point étymologiques. Alors comment le travail est-il devenu une valeur positive dans nos sociétés ? Eh bien voilà, le premier bouleversement de notre conception du travail intervient quelque part entre le XVIe et le XVIIIe siècle, avec l'avènement de la modernité et la propagation d'une éthique du travail portée par la réforme protestante et son idéal ascétique. Comme l'explique très bien le philosophe Max Weber dans son ouvrage « L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme ». Le travail n'est alors plus considéré comme une activité avilissante, mais bien au contraire un vecteur d'émancipation. Le travail et le succès qui l'accompagnent deviennent même un signe d'élection. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, l'élite est une élite travailleuse et laborieuse. Il n'y a qu'à voir comment le fait de dire de quelqu'un « vous savez, il travaille énormément » force immédiatement le respect. Exit l'oisiveté comme valeur positive. L'oisiveté est aujourd'hui un défaut. Celui qui ne travaille pas est au mieux un paresseux, au pire un parasite. Celui qui travaille en revanche doit travailler toujours plus et toujours mieux. Toujours mieux, je ne sais pas, mais toujours plus, ça c'est sûr. Justement, j'y arrive. Nous connaissons bien les conséquences de cette injonction permanente au travail effréné. Le fameux « burn-out », ou pour le dire en français, « syndrome d'épuisement professionnel ». Le moins connu, mais tout aussi dévastateur, « bore-out », ou pour le dire en français encore une fois, « syndrome d'épuisement professionnel par l'ennui ». Et enfin, le dernier apparu sur le marché, « brown-out », mon préféré, c'est ce syndrome qui touche le salarié laminé par l'absurdité quotidienne des tâches à accomplir. Pour endiguer tous ces nouveaux phénomènes, personne ne s'est dit qu'il fallait peut-être repenser notre rapport au travail, travailler un peu moins, en finir avec les tâches absurdes. Non, non. La solution était toute prête. Il fallait trouver du bonheur au travail. Open space, salle de repos, activités ludiques, ping-pong, baby-foot, friandises, tous les petits plaisirs sont bons à prendre pour retenir le salarié et lui faire croire que le bonheur est là, au bureau, entre quatre murs, à répondre à des mails et faire des réunions toute la journée. C'est à ce mythe du bonheur au travail que se sont attaqués la philosophe Julia de Funès et l'économiste Nicolas Bouzou dans leur ouvrage paru ce mois-ci aux éditions de l'Observatoire et qui s'intitule très justement « La comédie inhumaine ». Leur diagnostic est sans appel. Le management moderne est une tyrannie inefficace. Les deux auteurs s'attaquent à l'organisation technicienne des entreprises, à l'infantilisation qui y règne, à la surveillance et à la transparence qui y sont imposées. Ils dénoncent la dictature des process, le nivellement par l'égalitarisme, mais aussi et surtout l'idéologie bonheuriste, selon leurs propres mots, qui a envahi le monde du travail. Je cite « Le bonheur ou la joie, comme conséquence d'un travail réussi, oui. Le bonheur ou la joie comme condition de performance, non. Le bonheur serait alors une notion instrumentalisée dans un but économique. Or, le bonheur doit impérativement être une affaire privée. Mais alors que faire? Eh bien, c'est simple, repenser le travail et lui redonner du sens. Espérons maintenant qu'il soit entendu et que l'on en finisse une fois pour toutes avec ce mythe absurde du bonheur au travail. Mais vous, vous êtes heureuse au travail, Anastasia? Toujours. Alors, vous voyez. Grâce à vous. Eh bien, alors, le livre à lire, et vous le mettrez en ligne sur le site du Journal de la Philo. C'est La comédie inhumaine de Julia de Funès et de Nicolas Bouzou, paru aux éditions de l'Observatoire. Bien, vous avez gagné le droit de revenir demain, Anastasia. Merci beaucoup. À demain. Je renvoie les auditeurs au site du Journal de la Philo pour réécouter votre chronique en ligne. Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourdain, Anaïs Isbert, Sharon Houry, Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Jacques Azubert qui est à la prise de son aujourd'hui, Nicole Garcia à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre exploration de la pensée de Blaise Pascal. Demain, nous serons en compagnie du philosophe Jean-Pierre Clairaut qui se demandera si les mathématiques peuvent ou non nous sauver. Pascal n'était pas loin de le croire, vous verrez. Rendez-vous demain à 10h, mais d'ici là, pour écouter cette émission, c'est très simple. Rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pourrez réécouter l'émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster, pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain, à 10h. Même lieu, même endroit. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.